pain, petite main. Le plancher est froid, le soleil n'arrive jamais à teindre. Sonne mon cœur, il faut partir tôt et revenir tard. Le soleil ne réchauffe qu'un temps. Cette chambre mal éclairée, mal habitée. Sur la table de la mi-sèche, comme des points durs, le bonheur meurt. Sonne